Travaux en ville, page 22. Élargissement des trottoirs. Pour la rue de la rue Bras, les travaux consistaient à la mise aux normes du côté pair. Le côté impair a été mis à neuf. Toujours dans l'optique de la mise aux normes de la voirie, le trottoir qui fait l'angle de l'avenue de la division Leclerc à la rue René Perrot a subi des travaux. Fleurissement. Cette année, la ville a choisi d'accorder le thème de son fleurissement aux actions culturelles du territoire. Les reflets du cinéma, festival de cinéma d'auteur et les expositions ayant lieu à la médiathèque et à l'hôtel de ville et de pays. C'est donc la culture japonaise qui a été retenue. La plantation débutera mi-mai et s'étendra sur le square de Frome et le jardin médiéval. Espace vert. Abattage des peupliers dans les jardins familiaux. 56 peupliers ont été abattus à la fin du dernier trimestre 2014. 14 à l'entrée des jardins familiaux et 42 le long de la rivière La Mayenne. Les racines de ces arbres commençaient à soulever les cabanes des jardins familiaux. Réfection du mur de l'école. À l'école élémentaire du groupe scolaire Pierre Martinet, le mur de soutènement entre l'école et le centre de personnes âgées, CPA Saint-Joseph, s'était écroulé à cause d'infiltration d'eau. Un talus végétalisé de 4 mètres de haut, surmonté d'un grillage d'1,80 m à 2 m en partie haute, sera réalisé sur la période des vacances scolaires de Pâques en lieu et place de l'ancien mur. Démolition de la maison près de la salle de spectacle Lorex par le pays de Château-Gontier. Le bâtiment était en très mauvais état. Aussi, il a été décidé de le déconstruire. La déconstruction de la maison a duré 1 mois. La complexité du chantier venait du fait de l'enclavement du bâtiment entre plusieurs maisons. Il a donc fallu effectuer minutieusement les opérations. Aménagement de la rue et de la place Saint-Rémy. Afin de poursuivre l'aménagement du quartier 19e, la rue et la place Saint-Rémy ont connu un certain nombre de transformations. Remplacement du réseau des eaux usées et création d'un réseau des eaux pluviales, enfouissement des réseaux aériens, électriques, téléphones. L'aménagement de la rue et de la place est en phase d'étude et en concertation avec les habitants du quartier. Le coût des travaux est partagé entre la ville de Château-Gontier, le syndicat de gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme, SGEAU, et le syndicat départemental pour l'électricité et le gaz de la Mayenne, SDEGM. Plusieurs photos illustrent cette rubrique. Le trottoir de la rue René Perrot. Le bâtiment démoli près de la salle de spectacle Le Rex. Et la place Saint-Rémy.